قال وما أحسن ما أسنده الآجري رحمه الله في الشريعة إمام كبير في السنة الإمام الآجري وهو أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي رحمة الله عليه il a un kitab عظيم كتاب الشريعة en plusieurs volumes ils l'ont imprimé 5 ou 6 volumes et il rapporte des athars في عقيدة أهل السنة قال رحمه الله في الشريعة حدثنا الفريابي قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معلي بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يديه فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية الإمام مالك رحمة الله عليه il était في المسجد et un homme il est venu le voir cet homme il s'appelle أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء il était à la مذهب المرجئة أي من أهل الأهواء فقال يا أبا عبد الله il est venu voir l'imam Malik اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي فأمل أهل الأهواء أهل الأهواء ils aiment se montrer et essayer de polémiquer avec أهل الخير فاحذر c'est pas tous ceux qui viennent pour te parler pour discuter avec toi أنهم يبغون ton خير فالإنسان il faut qu'il soit fatin في هذا On fait attention, surtout à notre époque avec les moyens de communication. Là, tous ceux qui te parlent, ils veulent ton bien. Là. Et on doit prendre l'exemple sur nos imams. C'est Warathatul Anbiya, haoula, c'est les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fata'ammal mawqif l'imam Malik. Faqala fa'in ghalabtani. L'imam Malik lui a dit et si tu prends le dessus, et si on discute du sujet que tu veux et tu prends le dessus, qala in ghalabtuka tab'atani. Et si je prends le dessus, tu dois me suivre. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا. L'imam Malik lui a dit si une troisième personne elle vient et elle parle, elle dialogue, elle débat avec nous et elle prend le dessus, qu'est-ce qu'on fait? فقال الرجل نتبعه. On le suit. تأملوا الآن. قال الإمام مالك رحمه الله يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد. وأراك تنتقل من دين إلى دين. Il lui a démontré notre dîn, il est واحد. Ça ne sert à rien de polémiquer un troisième, il vient, il va rajouter, il va parler peut-être plus que nous, peut-être qu'il va être plus éloquent que nous. Là, dîn, il est واحد. Coran ou Sunna, c'est le Coran ou Sunna, alhamdulillah. Pourquoi polémiquer? قال الإمام مالك رحمه الله وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر ابن عبد العزيز, un autre أثر, من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. Celui dont le but, al-gharab, c'est le hadaf, c'est le but, c'est le khusuma, identité, son but, c'est pas de propager le din, là. Son but, c'est de polémiquer. Il veut rabaisser un tel, il veut prendre le dessus. Il aime bien passer son temps à hada. Qala Umar ibn Abdel Aziz, al-imam, al-khalifa, al-salih, rahmatullah alayhi, akthar al-tanakul. Al-tanakul, les déplacements. Un jour à la manhaj, demain à la manhaj akhar. Un jour à la sunna, le lendemain il a des doutes. Un jour il parle bien de tel savant, le lendemain il le critique. Avec aucune hujja. Et dans une riwaya, man ja'ala dinahu urdatan lil khusumat. Il expose son din à la polémique. Akthar at-tanaqqul. Qala Cheikh Mohammed ibn Hizam, hafidahullah, wa hadha isnadun sahih, rijaluhu thiqat athbat. Falhadar, ayyuha sunni. Prends garde. À al-bid'a. Préserve ton din, préserve ton manhaj. Surtout cette époque. L'époque de l'imam Malik, comme ta'lamoun, wa qablahu akthar, le khayr il était répandu. Bi kathra. Ulama. Dans chaque contrée, ulama. Et il n'y avait pas toutes les fitanes qu'on a aujourd'hui. Amma nahnu aujourd'hui, l'ulama ils sont qalib, al-jihl il est kathir, et les causes de fitna, akthar. نحن الآن نحن الفتن المعاصي الواضحة كم الالكول الموسيقى هذه الأمور الزنا صاصة دي الشر ولله الحمد أهل السنة يسعوا على حذر من هذا لا نحن نحن دي فتن كي سباس باسم الدين au nom du din et une des plus grandes fitnas qui est propagée الآن c'est le jidal والخصومة dans ces réseaux sociaux sur internet sur les salons والله الذي طلب العلم celui qui a étudié العلم et qui a goûté aux assises de Ahl al-ilm. Et il a vu leur comportement avec l'ilm. Wallahi, ça le rend triste. Jiddan. Juhal. Wallahi, wa'aduhum, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas réciter le Coran convenablement. Et au lieu de prendre du temps pour se corriger, pour s'améliorer, tarahum laylan wa naharan yujadiluna fi hadhihi al-mawaqi'. Nuit et jour. Avec Ahl al-Bida, avec Ahl al-Ahwa, avec le Kuffar, avec le Juhal, entre frères, avec Ahl al-Haq, avec tout le monde. C'est devenu leur principale occupation. Aïna al-Ilm, aïna al-Hifd, aïna manhaj al-Salaf. Il ne faut pas oublier un al-Jidal ou al-Khusum fi al-Din, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ma dhalla qawmun, ba'd huda kanu alayhi, illa utul jadal. Ma dhalla qawmun, il n'y a pas un peuple, un groupe de personnes, une personne qui s'est égarée alors qu'elle était sur le haq, illa, la cause, c'est al-Jidal. Beaucoup parler. Vouloir avoir le dessus, mélanger, sans délire, s'avancer, ne pas revenir à Ahl al-Ilm. La polémique. Et vous avez tous entendu et vu hada. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi al-hadith al-akhar hadith Abi Umama radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam ana za'imun bi baytin fi rabadi al-jannah liman taraka al-mira walau kana muhiqqan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a garanti, il a promis un bayt fi al-jannah, une maison fi al-jannah pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Wa ta'ammalu l'imam Malik. L'imam Malik, il avait plus de ilm que Abu Juwayriya. Et il pouvait lui montrer, il pouvait. Lakin, madhhab al-salaf, ils savent très bien. Anna ha'oula min ahli l'ahwa, ils veulent pas le haq. Amma, ils voudraient le haq. Le Coran, il est clair. L'imam Malik, il fait des durus au masjid, il a plus qu'à venir et à écouter. S'il a une question, il la pose. Amma la, je polémique. Je donne mon avis, tu donnes ton avis. Et, ka'annahu, iyadam billah, c'est un match de foot ou ghayri dhalik. C'est pas ça din. Din, il y a des règles précises. Celui qui ne sait pas, fallait yaskut. Wa al mushkila an ba'dhum est polémique pour soi-disant défendre le haq et défendre ahl al haq et ils font que salir l'image de ahl al haq. Al musayra akthar an ba'dhum, ils ont été conseillés lil asaf, c'est une maladie. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an ya'fu an al jami'. الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه يقول إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. Ça c'est علامة من علامة الشر. الجدل, la polémique, surtout à notre époque là. Notre époque c'est أكثر. C'est plus que la polémique dans la rue ou dans dans un masjid là. C'est la polémique partout là avec ses téléphones et ses réseaux. بعضهم ليل نهار. لكن تأمل قول الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل. Quand Allah veut égarer واحد يلزمه الجدل. Il le fait tomber في هذا. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les causes pour se préserver. Et Allah, il est juste. فجده. Sans علم. Sans revenir à أهل العلم. Ne crois pas, أخي الكريم, que ton amour du حق et tu veux propager le حق, ça t'autorise à faire tout et n'importe quoi. Là. Et si tu vérifies, est-ce que tous ces جدال, ça a été la cause pour guider ces égarés? Abadan. Au contraire, ça salit l'image et cet égaré s'entête encore plus. C'est pour ça que l'ulama il délaisse hada. Est-ce que tu as déjà vu un alim min ulama sunna yunaqish dans ses réseaux? Abadan. L'alim, tastafid minhu khayr. Des livres, des audios, des nasa'ih. Si cet ignorant ou cet égaré, il veut le haqq, il n'a plus qu'à prendre, il applique. Amma, la polémique fil haqiqa, ça vient en général des ignorants. Ils n'ont pas les capacités de faire des doros, d'écrire des livres, de conseiller bi'il. Fayujadilou. Falhadar. Nous on fait des efforts fil ilm. Celui qui veut le haq, il est wadih. Et on n'est pas responsable de tout le monde. Nous, là, on montre celui qui veut, alhamdoulilah, celui qui ne veut pas. Falhaqiqa, on n'a pas le temps pour hada. Et celui qui perd du temps, fi hada, comme a dit l'imam al-Awza'i, wa mana'ahum al-amal. Aïna qira'at al-Qur'an, toute la journée sur les réseaux. أين صلاة الوتر؟ أين قيام الليل؟ أين صلاة الضحى لرواتب الصيام؟ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. Prendre soin de ses parents, de ses enfants, avoir un bon comportement. Tous ces أعمال أين أين هي؟ أو فقط que cette chose. حقيقة c'est حال الضعفاء. أما celui qui a des forces, il les concentre في العلم. العلم c'est ça qui va te préserver. بإذن الله عز وجل. Et ne te précipite pas, akhil karim. Fais des efforts, fil ilm. Il viendra un jour, annanas, ils auront besoin de ton ilm. On vit dans une époque où il n'y a pas beaucoup d'ilm. Yawmin al-ayyam, si tu as du ilm, les gens, ils auront besoin. Ils viendront à ta porte. Amma vouloir s'avancer, wajidal bila ilm, wallahi kam min al-ikhwan, ils ont été repris, liannahum, ils faisaient des conseils, ce qu'ils appellent des conseils. Et fil haqiqa, tu es obligé de conseiller sur son conseil à lui. Et il veut montrer aux autres, thumma, tu es obligé de lui montrer. Mais à tout ça, pourquoi? Pourquoi on ne se concentre pas sur l'ilm et on respecte l'ilm et on ne devance pas? On vit une musiba. L'alim, rubbama, il n'a pas parlé. Ou à talabat l'ilm, ils n'ont pas parlé. Et le jahil, il parle. Thumma, tu trouves des ignorants qui écoutent ce jahil. Pourquoi tu ne laisses pas tes frères talabat l'ilm? Pourquoi tu ne laisses pas talabat l'ilm, ils reviennent à ahl l'ilm pour régler les choses? Amma, tout le monde parle. Ça, c'est une fitna. Qala, wa qala Hisham ibn Hassan, qala ja'a rajulun ila al-Hassan fa qala ya Aba Sa'id ta'al hatta ukhasimak fi ad-din fa qala al-Hassan amma ana faqad absartu dini fa in kunta adlalta dinak faltamishu. Wa hadith ibn Bagh al-Hassan al-Basri rahmatullah alayh, nafsu al-shay, il voulait polémiquer. L'imam al-Hassan rahmatullah alayh, il lui a dit alhamdulillah, je connais mon din. Si tu as perdu ton din, va chercher ton din. Ça montre que la polémique, en fait, c'est ceux qui ont des doutes. Ils ont quelque chose à prouver. T'as rien à prouver, akhi. Si t'es à l'al-haq, t'es à l'al-haq. Ou alors, t'es ch'tami'a. Jami'a, man fi dunya, al-ins ou al-jin, pour démontrer que t'es pas à l'al-haq, ils pourront pas si t'es à l'al-haq. Lian Allah, il sait que t'es à l'al-haq. Si t'es à l'al-batil, ou alors si tu polémiques, ou alors si tu veux faire croire telle chose, t'es à l'al-batil, t'es à l'al-batil. وقال الشافعي رحمه الله كان مالك بن أنس إذا جاء بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ربي وديني وأما أنت فشاك فاذهب إلى الشاك فخاصمه. Quand هؤلاء venaient voir l'imam Malik pour polémiquer, l'imam Malik il leur disait, je suis على يقين, je suis sûr, ولله الحمد, de mon din. أما أنت, tu as des doutes. C'est pour ça qu'on vous a dit, il y en a ceux qui parlent beaucoup, qu'ils écrivent beaucoup, beaucoup de polémiques, soi-disant pour secourir le haq, le haqiqa, ils ont des doutes. Il y en a celui qui n'a pas de doutes, il est calme, il suit manhaj al-salaf. Il fait des efforts pour le hifd, il fait des efforts pour le Coran, il fait des efforts avec ses frères. Si Allah il lui a donné shay'un min al-ilm, il fait profiter les autres. Wa hakada. Amma jidalat et niqashat, fa na'oudu billah. هذه نصيحة لنفسي ولإخواني. On avait déjà fait une nasiha fi hada fi al-jidal, sur la polémique, on l'avait propagé. Wa hadhihi nasiha ukhra, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a biha.